Et si j'avais su que vous vouliez la voir, je l'aurais achetée pour vous. Si j'avais su... If I would... Si j'avais su... If I had... Known it? Ça veut dire si je l'avais su. Mais simplement, si j'avais su... If I had known... Que vous vouliez la voir... You... Vous vouliez... You wanted... Good. You wanted la voir, avoir ça... To have it? Right, yes. If I had known you wanted to have it, je l'aurais acheté pour vous. I would have bought it for you. Right, I would have bought it for you. If I had known, si j'avais su, if I had known que vous vouliez l'avoir, you wanted or that you wanted to have it, je l'aurais acheté pour vous. I would have bought it for you. Si vous m'aviez appelé pour me dire que vous alliez venir avec nous ce soir, j'aurais fait une réservation pour nous. Si vous m'aviez appelé... If you had called me... Oui, il faut employer le participe passé après le plongeoir to have. If you had called me, pour me dire... For... No. Huh? Oh, to... Simplement « to », n'est-ce pas? Pour? To tell? Oui. Pour, devant un verbe, se supprime en anglais. On dit simplement « to ». Alors, to tell me... To tell me... Que vous alliez venir avec nous ce soir... To tell me you had... Vous alliez, avec le verbe « aller », que vous alliez... You were going. Yes, you were going. Yes. To come with us. Right. You were going to come with us. Très bien. Vous alliez. You were going to come with us ce soir. Ce soir? Tonight. Tonight. J'aurais fait une réservation pour nous. I would have. Make... C'est un verbe irrégulier. I would have... Maiden. Made. Right. Made. A reservation. A reservation for us. Right. I would have made a reservation for us. Encore une fois. Si vous m'aviez appelé pour me dire... Je répète... Pour, devant un verbe, ne se traduit jamais par for, mais tout simplement par to. Alors, si vous m'aviez appelé pour me dire... If you had called me... Pour me dire... To tell me... Yes, if you had called me to tell me, si vous m'aviez appelé pour me dire... If you had called me to tell me que vous alliez venir avec nous ce soir... You were going to come with us... Ce soir? Tonight? Yes, you were going to come with us tonight. J'aurais fait une réservation pour nous. I would have... Yes, I would have... Made a reservation for us? Right, j'aurais fait une réservation pour nous. I would have made a reservation for us. Encore une fois. Chaque forme d'avoir ou d'être est un plongeoir qui aboutit automatiquement sur le participe passé. Prenez par exemple un seul verbe, comme le verbe « vendre ». Vendre se dit... To buy. Non. Hmm? To... Oh, to sell. To sell. To sell. Son passé, j'ai vendu, se dit I sold. Et le participe passé, I have... Sold. Sold. Prendre. To take. To take. J'ai pris au passé simple. Once more. I took. I took. Mais comment dit-on j'ai pris? I have taken. I have est un plongeoir qui aboutit sur taken. I have taken. J'ai pris. Et j'avais pris. C'est un autre plongeoir. Had. I had. Taken. Taken. J'aurais pris. Encore un autre plongeoir. I would have taken. Yes. I would have taken. Après have, il faut employer le participe passé. I have taken. J'ai pris. J'avais pris. I had taken. Et j'aurais pris. I would have taken. Et la même chose après l'auxiliaire être, to be. Par exemple, c'est pris. It, c'est pris. It's taken. It is taken. On plonge de la même manière dans le participe passé. Après être, c'est pris. It is taken. C'était pris. It was taken. It was taken. Toujours le participe passé, n'est-ce pas? Et ça sera pris. It will. It will. Be taken. Right. It will be. Et on plonge dans le participe passé. Once more. Taken. Right. It will be taken. Ça serait pris. It would be taken. Right. It would be taken. Après chaque forme d'avoir ou d'être, to have et to be, on emploie automatiquement le participe passé. Ce sont des plongeoirs.